Deutéronome chapitre 26, quand tu seras entré au pays, que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, et que tu le posséderas et y demeureras, alors tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, et tu les apporteras du pays, que l'Éternel ton Dieu te donne, et les ayant mis dans une corbeille, tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu viendras vers le sacrificateur qui sera en ce temps-là, et lui diras, « Je déclare aujourd'hui devant l'Éternel ton Dieu, que je suis parvenu au pays, que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner. » Et le sacrificateur prendra la corbeille de ta main, et la posera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Puis tu prendras la parole, et diras devant l'Éternel ton Dieu, « Mon père était un pauvre misérable Syrien. » Il descendit en Égypte avec un petit nombre de gens, il y séjourna, et y devint une nation grande, puissante, et nombreuse. Puis les Égyptiens nous maltraitèrent, nous affligèrent, et nous imposèrent une dure servitude. Et nous criâmes à l'Éternel le Dieu de nos pères, et l'Éternel exauça notre voix, et regarda notre affliction, notre travail, et notre oppression, et nous tira hors d'Égypte à main forte, et avec un bras étendu, avec une grande frayeur, et avec des signes et des miracles. Depuis il nous mena en ce lieu-ci, et nous donna ce pays, qui est un pays découlant de lait et de miel. Maintenant donc voici, j'ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu m'as donnée, ô Éternel. Ainsi tu poseras la corbeille devant l'Éternel ton Dieu, et te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras de tout le bien que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, et à ta maison, toi et le Lévite, et l'étranger qui sera au milieu de toi. Quand tu auras achevé de lever toutes les dîmes de ton revenu en la troisième année, qui est l'année des dîmes, tu les donneras au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin, et à la veuve, ils en mangeront dans les lieux de ta demeure, et ils en seront rassasiés. Et tu diras en la présence de l'Éternel ton Dieu, j'ai emporté de ma maison ce qui était sacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, et à la veuve, selon tous tes commandements que tu m'as prescrits, je n'ai rien transgressé de tes commandements, et je ne les ai point oubliés. Je n'en ai point mangé dans mon affliction, et je n'en ai rien ôté pour l'appliquer à quelque usage souillé, et n'en ai point donné pour un mort, j'ai obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, j'ai fait selon tout ce que tu m'avais commandé. Regarde de ta sainte demeure, regarde des cieux, et bénis ton peuple d'Israël, et la terre que tu nous as donnée, comme tu avais juré à nos pères, qui est un pays découlant de lait et de miel. Aujourd'hui l'Éternel ton Dieu, te commande de faire ses statuts et ses droits. Prends donc garde de les faire de tout ton cœur, et de toute ton âme. Tu as aujourd'hui exigé de l'Éternel qu'il te soit Dieu, et tu as promis que tu marcheras dans ses voies, et que tu garderas ses statuts, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéiras à sa voix. Aussi l'Éternel a exigé aujourd'hui de toi, que tu lui sois un peuple précieux, comme il t'en a parlé, et que tu gardes tous ses commandements. Et il te rendra haut et élevé, par-dessus toutes les nations qu'il a créées, pour être en louange, en renom, et en gloire, et tu seras un peuple saint à l'Éternel ton Dieu, ainsi qu'il en a parlé.